Hello! Ha! Yeah! Little DMC, street album, changement d'air. Yeah! L1 Music! Je rappe et je suis fier de le faire. Je suis un guata et je suis fier de l'être. Je suis un rappeur qui veut se faire connaître. M'en parle de tes oui, mais peut-être. Je suis le rappeur, toi t'es le chef d'orchestre. Moi je m'occupe de faire flipper les minettes.